Quand on a acheté la maison, c'était une pièce séparée. Au moment de l'agrandissement, on a ouvert la cuisine sur le salon. Maintenant, c'est une cuisine américaine. Le couloir était sombre. Je voulais des couleurs gaies et chaleureuses. On a posé du parquet et on a peint les murs en jaune et vert. Le couloir est très lumineux maintenant. Notre chambre est située à l'extrémité de la maison, avec notre salle de bain et mon bureau. Cela nous permet de conserver intimité et indépendance. Pour ma fille de 8 ans, je souhaitais une chambre aux couleurs vives. J'ai tapissé les murs en vert et violet. Une seule salle de bain pour 5 personnes, c'était pas assez. Alors, on a transformé cette pièce en salle de bain pour les enfants. On a mis du carrelage blanc et un tapis bleu turquoise. On a aussi installé des grands placards. Maintenant, chaque enfant a de la place pour ses serviettes et ses produits de toilette.